Et Siane, Siane. Quoi, Fréco? Devine quoi. Quoi? Le patron, Flatipa, qui veut qu'on aille à Caboville. Où? À Caboville, pour enquêter sur trois chiens qui ont disparu dans la même journée. 1, 2, 2. What time is it? 4h28. Plus que 2 minutes avant le goûter. Les Siane Fréco sont dégoûtés. Leur appétit d'or, à cause d'un saut revenu. Incongru. Respecte les dégâts du cabot. S'occupe de cette enquête. Avec chapeau soquette. Pas d'allure coquette. Les passants jactés, les témoins caquettes. Le pauvre cabot est mort. Cette affaire est pour nous. Quelqu'un a flair dans cette histoire. J'ai flairé le mauvais coup. Foireux. On a fait le coup du lapin à un chien. Clébard. J'étais sous les deux amis de la victime. Et aucun d'entre eux n'allait pas. Encore un crime sur le dos. Mais le coupable est un capot. Le tueur perpétue ses crimes. Pépère, tu sais, victime. En deux jours. Disparu, il était temps que l'on arrive dans la ville. 16h20, ça se complique. Selon l'enquête, le coupable roulait. 20 mètres après le choc. A freiner comme s'il voulait. Les blessures occasionnées par le meurtrier. Comme des cadeaux empoisonnés. Et le coupable, ça s'agit. Grillé comme les hot dogs qu'il vend. Passe sous la baïonnette. Une odeur de chien plane sur les alentours de la camionnette. Heure du goûter. Le coupable est tombé sur un os. Il regrette. Allez tout le monde là.